Oui. Donc, aujourd'hui, on nous a demandé de faire une brève mise en contexte de la grève étudiante actuelle, de parler de la répression et de la violence qu'on subit depuis le lancement de la grève et de faire le pont avec les luttes étudiantes au Mexique. Une des formes les plus pernicieuses de violence dans nos sociétés capitalistes nord-américaines actuellement est sans nul doute l'indifférence. Indifférents sont ceux qui ont comme seule réponse le cynisme face aux injustices qu'on dénonce ici, face à l'impunité permanente dont jouissent nos oppresseurs. Les indifférents nous diront qu'il n'y a pas de parallèle à faire entre la mort de 6 personnes ainsi que la disparition de ces 43 étudiantes d'Ayotzinapa et les luttes d'ici. Toutefois, toutes les injustices que nous dénonçons jour après jour ne constituent pas des cas isolés, comme nos gouvernements respectifs tentent désespérément de nous faire croire. On peut penser aussi à la mort des 6 étudiants au Venezuela lors d'une marche en janvier dernier. Cette répression-là et la criminalisation de la contestation individuelle comme collective sont dorénavant choses courantes. Il n'y a pas eu de mort au front parmi les étudiants et étudiantes du Québec, certes. Certains ont perdu un œil, d'autres ont perdu des membres cassés. Beaucoup ont eu des séquelles psychologiques, pas seulement en raison de la brutalité policière, mais aussi en raison du mépris médiatique, de l'état du discours social ou du manque de soutien de leurs pères, de leurs familles. Oui, on a eu des morts au sein du mouvement depuis 2012, ceux et celles qui se sont suicidés, mais ça, on n'en parle pas. N'oublions pas non plus, et je rejoins un camarade ici là-dessus, qu'il y en a des gens assassinés par la police au Canada. Il y en a des gens assassinés dans les milieux défavorisés, chez les exclus de la société, les gens dans la rue, les gens avec des problèmes de santé mentale, évidemment chez les gens racisés, les communautés qui souffrent quotidiennement de la répression étatique. Pensons à Freddy Villanueva, aux femmes autochtones disparues. Ce que je veux dire avec ça, c'est que la répression politique dont souffrent les étudiants du Québec actuellement et que nous, on dénonce du haut de nos privilèges, c'est une réalité quotidienne pour une jeunesse en dehors de nos murs, de nos écoles. C'est un pont des liens que la jeunesse doit faire. Ce sont des liens que nous devons de créer et de maintenir constamment. En 2012, la violence de la police, du système de justice ainsi que des médias a atteint une brutalité sans précédent envers les étudiants blancs universitaires. En 2015, elle ne s'est pas fait attendre. Les blessés, les expulsions, les injonctions, les personnes criminalisées, les détentions arbitraires et politiques, tout a déboulé à une vitesse incroyable et dans un contexte d'apathie générale. Mise en contexte, depuis septembre 2014, des étudiants ont commencé à se mobiliser pour ce qui allait être le printemps 2015. Il s'agit d'une grève bien distincte de celle qu'on avait l'habitude de voir, c'est-à-dire une grève par le bas, la base dépensant ses instances fédératives. Avec des revendications plus larges, moins ciblées, n'entrant donc pas dans une logique de table de négociation ou de gain corporatif, mais plutôt dans une optique de lutte sociale, de grève sociale. Les étudiants dénonçaient les mesures d'austérité, soit la privatisation de nos services publics en santé, en éducation, l'accès au chômage. Ils manifestaient aussi leur opposition claire à tout projet pétrolier, minier et d'hydrocarbures et remettaient à l'ordre du jour les enjeux d'un syndicalisme combatif. La grève était prévue et annoncée d'avance, ce qui a permis à l'administration de l'UQAM de mettre en branle des mesures répressives encore jamais vues au sein de cette institution, avant même le début de la dite grève. La menace d'expulsion de 9 étudiants de l'UQAM frappe à la veille du déclenchement et elle fait référence à plusieurs événements survenus dans le passé. Alors qu'habituellement, ce qui ponctue les grèves étudiantes au Québec, ce sont les actions de perturbation économique, cette fois-ci, toutes nos tentatives de sortir les piqueteurs de grève dans l'espace social, tous nos moyens d'action politique, manifestations et actions ont été brutalement réprimés. Seulement 10 jours après le début de notre grève, l'administration de l'UQAM, suite à sa demande, obtient une injonction, tout comme l'Université Laval, suite à une demande d'injonction déposée par une seule étudiante. La Cour ordonne donc aux communautés universitaires de poursuivre les cours, brimant la décision démocratique et collective de faire la grève. Avec les injonctions ainsi que l'augmentation des effectifs de sécurité qu'elles nécessitent, s'ensuit logiquement un envenimement du conflit, parce que l'appareil judiciaire, les forces de l'ordre et les médias travaillent de concert à faire prévaloir les droits individuels et de miner la légitimité des droits et acquis collectifs. Les ministres, en appelant les institutions à faire tout ce qu'ils jugent nécessaire pour amener l'ordre sur le campus, font des appels à peine voilés à la violence, incitant les étudiants à se battre entre eux et accessoirement les professeurs. Les grévistes qui décident de poursuivre leurs moyens d'action ne s'exposent pas seulement à un outrage au tribunal, on le sait. Nos administrations travaillent de pair avec les agences de sécurité privées afin de monter des dossiers d'enquête sur tout étudiant potentiellement militant. Ils ont changé les règles du jeu en choisissant de porter plainte et de déposer des chefs d'accusation aux criminels contre des membres de la communauté universitaire. Vous le savez sans doute, un camarade et ami est incarcéré depuis plus d'une semaine maintenant, jour pour jour. Il le restera tout au long de son procès. Et ce, même s'il n'a pas d'antécédent judiciaire. Dans ce cas-ci, la dérive judiciaire se joue de la présomption de l'innocence, et c'est sans l'ombre d'un doute d'un procès politique qu'il s'agit. Ici comme ailleurs, ce sont les mêmes armes du pouvoir qui répriment une jeunesse en carence d'une voix politique, les forces répressives de l'État, l'appareil judiciaire, la distorsion médiatique. Ce système répressif réussit momentanément à rendre contagieuse la peur collective de l'action politique. Mais lorsque les gens se parlent, comme ici, lorsque l'individualisme fout le camp, il n'est jamais trop tard pour raviver la flamme d'espoir ou de désespoir. À tous ceux qui nous traitent de violents ou de radicaux, nous sommes ni innocents ni coupables. Ce sont vos lois qui sont injustes.